ce froid dans mon sang. Je garde de toi. Alors Sylvain Morayon, juste derrière moi, un extrait de son dernier album, il s'agit Je garde de toi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bienvenue avec nous sur Arc-en-Ciel. Alors là c'est ton dernier album qu'on a derrière nous, Je garde de toi. Qu'est-ce que tu veux garder de moi? Ou de toi? Puisque c'est de toi. Ça, c'est une chanson que j'avais écrite il y a longtemps, en fait. Voilà, c'est une vraie chanson de blessure d'amour. Voilà, j'ai eu une histoire assez passionnelle. Oui. Et voilà, j'avais beaucoup souffert quand ça s'est arrêté. Du coup, la chanson est venue comme ça. Et puis finalement, j'ai décidé de l'enregistrer plutôt que de la laisser dans un tiroir. Voilà. Bah, c'est dommage de s'en priver. Alors donc, Sylvain Morayon, il s'agit de notre chanteur. Tu es auteur, compositeur, chanteur. Tu as commencé assez jeune. Et avant même de devenir chanteur, je crois que tu as accompagné les plus grands. Tu as été auteur-compositeur pour les plus grands. Oui, j'ai travaillé avec Patrice Lacasse, Michel Fugain. D'ailleurs, c'est Fugain qui m'a lancé. Je travaillais avec Daniel Lavoie, Gérard Lenormand, Faudel, voilà, pas mal de monde. Et après, j'ai fait de la production. J'ai produit l'album de Fiona Gélin, notamment. Je me suis occupé du regretté Philippe Nicolic aussi, voilà, quand il avait son projet d'album solo. Avec lequel on avait fait qui prendra ta place. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai commencé jeune, hein. J'avais à peu près une vingtaine d'années quand j'ai commencé. D'accord. Donc de merveilleux souvenirs. Tu as eu des duos avec ces personnes-là ou non? Jamais, à part sur scène, un petit délire, mais pas sur album, c'est jamais sorti. Non, pas sur album. Non. Mais en fait, comme j'ai longtemps fait chanter les autres, d'accord. j'ai chanté tardivement. Voilà, donc là, c'était vraiment un premier album en tant qu'interprète, puisque voilà, je pensais que j'avais des choses à sortir aussi. Et puis bon, les circonstances de la vie ont fait que j'ai aussi trouvé le temps de vraiment apprendre à chanter moi-même, etc. D'accord. Voilà, parce qu'avant ça, j'avais créé une école de musique où voilà, on apprenait. C'était sur Nantes. On apprenait le chant, la guitare et le piano aux gamins qui étaient souvent en échec au conservatoire et qu'on récupérait comme ça pour les ramener vers leur passion ou leur instrument, quoi. Donc voilà, tout ça m'a pris quand même plusieurs années. Et puis j'avais un projet d'album depuis très très longtemps. Et voilà, là j'en ai profité pour le sortir l'année dernière, en fin d'année, en octobre en tout cas. D'accord, donc on peut dire que la musique pour toi c'est plus qu'une passion, c'est tout quoi, c'est l'amour, c'est la vie, tu donnes tout ce que tu as au niveau de la musique et puis des connaissances envers les autres. Oui, c'est ça. Bah, si tu veux, je considérais, quand j'avais créé mon école, voilà, je considérais que j'avais eu quand même pas mal de chance de pouvoir vivre de ma passion. Et j'ai toujours d'ailleurs un souci de retransmettre et de partager le partage d'expérience, quoi. Voilà, donc c'est vrai que j'ai souvent des jeunes qui me sollicitent pour avoir des conseils, etc. Et une volonté donc de donner la chance aussi aux jeunes artistes. D'ailleurs à Nantes, j'avais produit un jeune artiste qui s'appelle Ton Andréis. Et c'était un peu la même démarche de retransmettre et d'offrir une chance aussi aux artistes, quoi. Parce que ça reste un métier quand même très très difficile. Oui. Peut-être aujourd'hui encore plus qu'avant. Voilà. Bah maintenant oui, avec tout ce qui se passe un petit peu sur toutes les Internet, hein, tous les nouveaux réseaux, c'est de plus en plus difficile de percer, de se faire connaître, parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement, qu'on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui nous plaît, où est-ce qu'on entend ça, est-ce que c'est sur Internet, est-ce que c'est sur une web radio, est-ce que c'est dans un magasin, et c'est vrai que c'est difficile. Alors justement, ton dernier album, Sylvain Morayon, à mon image, alors on peut le dire, à ton image, c'est un album que tu as peaufiné, hein, plus de 20-30 ans à le préparer. Chanson française, pop, anglo-saxonne, c'est un mélange de musique, d'instrumental. C'est poignant quand même dans la diversité, parce que dedans, on sent vraiment ta personnalité qui sort. Tu as été vraiment sur plusieurs influences musicales et on voit bien ces 20-30 ans de connaissances musicales avec les différents chanteurs qui ressortent sur ton album. Oui, c'est ça. Ça correspond un peu à mon bagage un peu musical, culturel aussi. Voilà, ça, c'est vrai que j'aime la pop anglo-saxonne. À la base, je viens de la chanson française, qui est quand même mon délire principal. Mais bon, musicalement, voilà, c'est comme dans la vie, on évolue. Il y a aussi un titre un peu électro qui s'appelle Life is a Show. Et voilà, donc j'ai mélangé. En fait, cet album, c'est aussi c'est des chansons que j'ai accumulées pendant 2-3 ans et pour beaucoup d'entre elles, j'avais l'intention de les placer à d'autres, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en les chantant sur